fossailles. C'est sa vie nationale et internationale. On veut qui vient en tabler, qui a fait bouger. Nous allons pas oublier, hommage à la salsa. Où des escales tropicales, espoir des fossailles. Ça s'avigne national et international. En équipe bien attablée, qui a fait bouger. Nous allons pas oublier, hommage à la salsa. Escale tropicale, espoir des fossailles. Ça s'en vient national et international. En équipe bien endiablée, qui a fait bouger. Nous pas ni doit oublier, hommage à la salsa. Goûter escale tropicale, espoir des fossailles. Ça s'en vient national et international. Qui bien entablé, qui a fait bouger. Nous pas ni toi oublier. Hommage à la salsa. National, ça fait tout le monde vibrer dans le monde.